J'suis perdu, perdu. Et dans la rue y'a plus de vertu. En plus le respect c'est pendu. Et tous ces attentats perdus. Et ouais, c'est hyper dur de ne pas vivre comme une ordure. Avec tous ces chelis tordus et leur bande de vendus. J'suis qu'un malhonnête, tout comme toi président. Coincé dans une navette à 92 000 100 mètres sous l'océan. J'suis souris sans le respect, l'argent fait couler le sang. Alors j'suis suspect quand j'serai dans mon bâtiment. Pas dit n'importe comment, ouais. Écoute le voisin pisser pendant que moi en déprimant prépare le souper. Des pâtes encore, ça sent la patate, j'en ai marre. Alors j'arrache de boire de la casse des barres. Comme une guerre civile, car c'est la guerre en moi. Grand frère, tu sais, je n'ai guère la foi. Pourtant, je récite la fatigue avant de dormir. Mais le mal m'attire dans son empire. Et puis, on dit que c'est la vie qui veut ça. En fumant du sort là, assis sur un caddie en bas. Avec vodka et minitiste, louchard, raciste, des parasites dans mon site, t'habites pas là. On espère tous d'avoir une vie de rêve. Nous revient les pieds sur terre, car ici, on crève. On espère tous de vivre heureux. Mais combien d'entre nous traînent avec la poisseuse? On espère être libre dans cette société. Les regards en excès de vitesse et il faut raquer. On espère vivre le plus vieux possible. Mais trop se font tuer avant l'heure, ça devient horrible. On espère trouver l'amour de sa vie. On se tue à chercher en vain une bonne raclée. On espère travailler pour amener à manger. Le taf devient rare, il n'y a plus de débouchés. On espère étant petit, on sera millionnaire. Mais on s'aperçoit vite que gagner de la maille c'est galère. On espère qu'en chantant, on deviendra connu. Mais la route est longue. Être connu.